qui n'ont pas compris. Bon, ok. On regarde. Si mon Église est une communauté, pourquoi est-ce que je suis isolé? Donc, le psaume 133, on ne le lira pas, on l'a déjà lu. Alors, on va passer un peu plus loin. Alors, on est en train de regarder quatre définitions de la communauté spirituelle. Alors, premièrement, la communauté spirituelle est bonne et agréable. Par contre, je résiste à la communauté parce que, par nature, je tends à l'isolement. Deuxièmement, on a vu que la communauté spirituelle est une expérience fraternelle. Un lieu, un espace de pleine acceptation, on a dit un « time out ». La communauté chrétienne inclut des frères et des sœurs, mais je suis tenté de les rejeter en raison de leur imperfection. Et troisièmement, la communauté spirituelle, c'est d'habiter ensemble. On a parlé donc de proximité. La communauté chrétienne en phase la relation permanente physique et matérielle, mais je suis tenté de la spiritualiser. Je suis tenté d'être égoïstement exclusif, sélectif. Donc, hein, je me réunis avec les uns et je rejette les autres. Je suis tenté de faire fonctionner des programmes au lieu de développer et nourrir des relations. Alors, hein, on a développé ce point-là au fait que la communauté, hein, c'est relationnel, c'est de développer, bâtir des relations les uns avec les autres. Et dans la grande communauté, à large. Ce matin, on regarde le quatrième, et puis je vais essayer d'être assez bref, puisque nous avons, hein, je vais vous laisser partager ensuite sur en quoi, pour vous, la communauté est un cadeau. À quoi ça vous fait penser? Lorsque on s'arrête au fait que Dieu dit que la communauté spirituelle est un cadeau de Dieu. Donc, les versets. Alors, on va lire le verset, c'est comme l'huile la meilleure, versets 2 et 3, c'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Oups, non. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, dans c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a là deux beaux symbolisme dans ces versets. L'huile et l'eau, la rosée. Trois fois, hein, dans le texte, versets 2 et 3, trois fois, le mot descendant, hein, est utilisé. Descendant sur la barbe d'Aaron, descendant sur ses vêtements, ensuite descendant sur les montagnes de Sion. Donc, ainsi, nous avons l'huile versée d'en haut sur le grand prêtre, qui se répand sur la tête, ensuite juste aux pieds. Et deuxièmement, nous avons l'image de la rosée qui tombe des cieux sur les hautes montagnes, avec assez de volume pour régénérer même les collines inférieures de Sion. On va s'arrêter sur l'huile. Lorsqu'on pense, on parle beaucoup ces dernières années de l'huile d'olive, hein, comme c'est bon pour la santé. Auparavant, on essayait de prendre le moins d'huile possible. Le docteur Bédiveau dit, hein, qu'il faut en mettre généreusement de l'huile d'olive sur tout ce qu'on mange. Et puis, même, bon, parce qu'on aurait dit que l'huile d'olive, hein, il y a des antioxydants dedans. Et puis, c'est bon pour la santé aussi, pour des oméga 9, entre autres. Et puis, donc, mais lorsqu'on pense à une vie, à la vie en Méditerranée, on a tout de suite l'image, hein, des oliviers, l'huile d'olive, le bon vin, hein, la bonne vie, hein, la bonne chair. Alors, l'huile, c'est la barbe d'Aaron et ses vêtements, fait premièrement référence à l'onction des prêtres lors de leur consécration au service de Dieu et du peuple. C'est intéressant que la semaine prochaine, on va vous parler autant de servir Dieu comme servir le peuple. Alors, les prêtres étaient non seulement au service de Dieu, mais étaient aussi au service du peuple. Et puis, donc, l'huile servait, on se servait donc de l'huile d'onction. On va en reparler là, en janvier du phénomène de l'huile d'onction. Et puis, mais cette huile servait à oindre les prêtres lors de leur consécration comme prêtres. Alors, leur service débutait par une inauguration, une consécration. Puis en ce moment-là, on leur versait sur la tête une huile, désignant par là qu'ils étaient consacrés au service de Dieu, aussi bien qu'au service du peuple. Alors, c'est un symbole que l'on peut facilement comprendre quand on pense à tous les usages de l'huile dans une civilisation méditerranéenne. L'huile était un élément de base. On se servait de l'huile pour la cuisson. On a à penser, par exemple, aux galettes faites avec l'huile d'olive et la farine, qui est très populaire en Méditerranée. L'huile servait également pour les lampes, donc symbole de la lumière. L'huile était employée aussi pour guérir, soigner les blessures. Aussi bien, elle servait également à conserver les aliments et bien d'autres choses encore. Donc, on voit là tout le symbole de l'huile. L'huile est ainsi une bonne image de ce que Dieu nous donne pour embellir notre vie. On vient de parler de comment que lorsqu'on se fait un portrait de la belle vie, de la bonne chair, on pense à la Méditerranée. On pense à ce mode de vie-là, la bonne table. L'image que Dieu nous donne, c'est que Dieu nous donne la communauté pour embellir notre vie. Avez-vous déjà pensé à ça? Que la communauté nous embellit. Est-ce que vous considérez la communauté, je vous pose la question, est-ce que vous considérez la communauté comme un embellissement de votre vie? Ou est-ce que... Est-ce qu'on maugré ou bien non, est-ce qu'on dit « Ah, la communauté, c'est un embellissement. » C'est l'image qui nous est donnée dans le psaume 133. Ensuite, il y a l'image de la rosée. Intéressant que... Veux-tu passer à l'autre diapo? J'avais des images là, des olives. Prochaine image. OK. Ensuite, le psalmiste dit que la communauté est un cadeau parce que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Maintenant, c'est intéressant ici. Il y a un fait intéressant. C'est que David parle de la rosée qui descend de l'Hermon et qui arrose la montagne de Sion, qui arrose les environs. Maintenant, on aurait pu croire que David aurait dit la rosée de Sion au lieu de la rosée de l'Hermon. Parce que dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes depuis David, Sion était la montagne sainte. On a à penser au psaume 48. C'est de Sion. J'avais même un chant qu'on chantait là-dessus à Rosemère. C'est de Sion que vient la bénédiction, etc. Puis que Sion était considéré comme étant l'endroit privilégié pour la présence de Dieu. Et pourtant, le psalmiste va dire, ce n'est pas de Sion, mais de l'Hermon. Puis la montagne de l'Hermon, c'est une montagne qui est au nord-est d'Israël, près de la frontière du Liban puis de la Syrie. Donc, aux limites, aux frontières des ennemis d'Israël. Intéressant, Un peu comme si Dieu était en train de nous dire, on entendait là, un peu peut-être même Jésus nous parler, on croirait entendre le Christ quand il nous dit qu'il est capital d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal et de prier pour ceux qui nous maudissent. Parce que c'est comme si Dieu disait que La rosée vient de l'Hermon, des montagnes proches des frontières de nos ennemis ou de nos adversaires. Ceux peut-être que parfois on n'aurait pas toujours tendance à vouloir communier avec, être en relation avec, et pourtant la communauté, on l'a dit, hein, que la communauté spirituelle n'est pas exclusive ou sélective, mais que nous, hein, nous communions, nous sommes en relation avec tous les membres de la communauté, même avec ceux qu'on aurait tendance à dire, on n'a pas d'atome crochu, on n'est pas du même point de vue. Mais que alors qu'on se réunit avec eux, la rosée qui vient de l'Hermon va arroser aussi nos relations qui vont faire que dans la communauté, on va la reconnaître comme un cadeau. L'huile et l'eau sont donc des cadeaux donnés d'en haut. La deuxième moitié du verset 3 emphase l'initiative de Dieu dans ce processus. Parce que les trois fois, c'est toujours dit que c'est de l'Éternel. Hein? C'est Dieu qui donne la bénédiction. Verset 3. « C'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Elle signifie que Dieu l'a déterminée ainsi. Dieu l'a voulu. » La version, il y a une autre version de la Bible, la Darby. Vous voyez que dans la Darby, dans la Bible Osterval, le terme, c'est un impératif. Il va dire, « Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé. » L'Osterval va dire, « C'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction. » Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu que la bénédiction se trouve au sein de la communauté. Oui, on peut être des chrétiens solitaires, seuls. Hein, on l'a déjà dit, est-ce qu'on peut être chrétien et puis rester à la maison? Oui, on peut l'être. Mais David nous dit ici que c'est au sein de la communauté avec les autres que Dieu a ordonné, que Dieu a commandé, que Dieu a voulu que la bénédiction se trouve. Si la communauté est un cadeau, comme David le mentionne ici, puis c'est Dieu qui donne. Si la communauté est un cadeau, pourquoi je me sens isolé? Peut-être parce que je me sens impatient de créer la communauté. J'essaie de contrôler la communauté. Au lieu d'accepter la communauté comme un cadeau de Dieu, Dieu me donne la communauté comme cadeau. Mais maintenant, on se met en voie de vouloir créer. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, vouloir créer l'amour ou... la communauté ne se crée pas, elle se donne. Dieu a donné. J'ai à accepter le cadeau que Dieu me donne. À composer avec ce cadeau que Dieu me donne. Mais bien souvent, on a la tendance à vouloir la créer, cette communauté-là. Ou bien donc la contrôler. Hein? On veut que les choses soient comme nous, on veut. Je pense que si seulement je peux trouver le bon groupe pour répondre à mes besoins, là, ce sera ma communauté. Mais non, si je trouve un groupe, mais il semble manquer lamentablement de ce que je crois être la communauté, alors je me mets à la tâche de la changer. Je la change comment? En exhortant les gens, en tirant les gens, en poussant. Hein? Qu'est-ce que ça produit? Des frustrations. On devient frustré. Parce que les choses ne se passent pas comme on veut. Un cadeau peut seulement être reçu. Je ne peux pas créer mon propre cadeau. Quand je reçois la communauté humaine, imparfaite, la communauté humaine, mais spirituelle, ma communauté, l'Église, quand je la reçois comme un cadeau, composé de gens imparfaits, de gens avec qui j'ai peut-être pas avec tous les mêmes atomes crochus. Mais lorsque je l'accepte comme cadeau de Dieu, alors des choses merveilleuses peuvent se produire. Des choses merveilleuses peuvent se produire. Je pense à Jean, chapitre 17, lorsque Jésus nous parle à maintes reprises. Hein, c'est le, Jean 17, c'est le chapitre de l'unité chrétienne. Mais où est-ce que Jésus parle de ses disciples? Père, merci parce que tu me les as donnés, je te les donne, prends soin d'eux. Hein? Puis à maintes reprises, dans ce chapitre 17, Jésus met en valeur le bien fondé de la communauté, de la communion que les disciples vont avoir, mais non seulement eux, mais aussi ceux qui vont croire en mon nom, dit-il, à cause d'eux, ceux qui vont venir après. Dans, je vais citer à nouveau Détruit qui va nous faire de la vie communautaire. Alors, Détruit qui va nous faire en face de la réalité que nous ne pouvons pas créer la communauté. Puis il va dire ceci. Certes, cette grâce de la communauté, juste là, hein, quand tu parles de cette grâce de la communauté, est-ce que vous considérez la communauté comme une grâce de Dieu? On dirait que la Bible est une grâce de Dieu. Hein? C'est un don. La prière, Dieu nous donne la prière, c'est un don. Est-ce que la communauté est une grâce? Un bienfait que Dieu nous donne? Ben, dis donc, cette grâce de la communauté que l'isolé considère comme un privilège inouï est facilement dédaigné et foulé aux pieds par ceux qui sont chaque jour, pour ceux qui en sont chaque jour des objets. Nous oublions vite que la vie entre chrétiens est un don du royaume de Dieu qui peut nous être repris chaque jour et que nous pouvons d'un instant à l'autre être précipités dans la solitude la plus totale. Il a vécu ça, hein? D'être ce bon frère a vécu ça. Il faut donc que celui à qui il est encore donné de connaître cette grâce extraordinaire en loue Dieu de tout son cœur, le remercie à genoux et confesse, c'est une grâce, rien qu'une grâce. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui m'est donné. Seulement un cadeau. J'ajouterai cette note. Dans mes notes, j'ai mis une note. En gros, caractère. Nota. Pourquoi faut-il attendre d'être privé d'une chose pour l'apprécier? On a vécu ça, hein? On a vécu. Ça peut être parfois un bien-aimé. Des gens, on a vu des enfants dire « Ah, ben, hein, j'ai pas apprécié ma mère, j'ai pas apprécié mon père de leur vivant. Hein. Ah, hein, avoir su qu'ils seraient partis si vite, j'aurais montré plus d'appréciation. Pourquoi faut-il attendre d'être privé d'une chose pour l'apprécier? Pourquoi faut-il attendre d'être privé de la communauté? Il y a des gens qui sont privés en ce jour même, hein, de la communauté. On pense que parce que le rideau de fer est tombé, puis que le communisme pur n'existe plus, on pense que la persécution des chrétiens n'existe plus, mais ça existe encore dans bien des pays. Et surtout peut-être aujourd'hui dans des pays fortement islamistes. parce que les gens n'ont pas le privilège, l'opportunité de se réunir comme on a l'opportunité de se réunir. Et où leur vie est menacée, s'ils s'affichent ouvertement comme chrétiens. C'est ça, il y a tout un débat là-dessus. Hein. Nous, on les laisse s'afficher ici ouvertement, mais nous, on ne peut pas s'afficher dans leur pays. Bon, voilà, c'est dit. Mais, il y a des gens qui sont privés de leur communauté, puis qui aimeraient se réunir avec d'autres. Il y a des histoires, tellement d'histoires qui sont racontées de chrétiens qui ont visité des chrétiens dans ces pays-là, puis comment que, waouh, que leur visite est appréciée parce que c'est si rare qu'ils rencontrent des chrétiens, d'autres chrétiens comme eux. Alors, le nœud de la question, c'est mon attitude, ma perception de vous. Comment est-ce que je vous perçois? David dit que la communauté chrétienne est un cadeau de la grâce de Dieu. Mais trop souvent, j'essaie impatiemment de la créer selon mes propres conditions, ou autrement la contrôler. Quel regard est-ce que j'ai de la communauté? Quel regard je jette sur la communauté? Comment, de telle façon, regardes-tu la communauté ce matin? Je dis « tu ». Je parle à des individus. Quel regard as-tu, toi, ce matin, de la communauté? Est-ce que je parle de moi-même, est-ce que je vous vois ce matin comme étant une communauté trop imparfaite pour en faire partie? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ne font pas partie de notre communauté parce qu'on est trop imparfait pour eux? Est-ce que je vous vois comme un problème à résoudre? Comme un projet corporatif sur lequel on va travailler dessus? Ou est-ce que je vois, je peux aussi voir la communauté comme un grand désordre, puis il faut mettre de l'ordre là-dedans, puis... Quel regard est-ce que j'ai de la communauté? Est-ce que je vois d'abord comme un cadeau de Dieu pour jouir? On a parlé de ce qui est jouissif. Est-ce qu'on jouit de la communauté? Est-ce que je vois d'abord comme un cadeau de Dieu pour être apprécié, une bénédiction pour laquelle je remercie Dieu? Je rends grâce à Dieu pour ce cadeau qu'il me fait. Il me fait la grâce de pouvoir avoir une communauté. Ça me rappelle une parole de Peter Ustinov. Je ne sais pas si je l'ai mis sur... Non. Non, elle n'est pas là. Peter Ustinov qui disait, puis je l'ai déjà cité, « L'amour est un acte de pardon sans fin, un regard de tendresse qui devient une habitude. » Moi, ça m'a marqué, cette expression-là. Que souvent, quand je suis confronté à différentes situations, cette parole me revient. L'amour est un acte de pardon sans fin. Un regard de tendresse qui devient une habitude. Une habitude qu'on prend de regarder les gens avec amour, compassion, compréhension, non-jugement. Je ne juge pas. Et encore, comme on disait, Entre toi et moi, il y a le Christ. Ce regard qui est un regard qui peut se développer, de telle sorte que là, si on regarde la communauté, hein, qu'on la voit avec ses yeux de tendresse. Quand je suis réceptif à de telles pensées et que je suis reconnaissant, de merveilleuses choses peuvent se produire. Alors, je vous avais demandé, puisque la communauté spirituelle est un cadeau de Dieu, pensez à quelque chose qui vous fait penser à la communauté ou reflète ce que la communauté est pour vous comme cadeau. Combien y ont réfléchi? OK. On va commencer par Manon qui a apporté un cadeau. Alors, Manon, tu vas nous dire pourquoi. On va prendre le micro. Parce que tu vas déballer ton cadeau. C'est lourd, hein? T'avais-tu un objet de cuisine, ça? Non, n'importe quel objet. Tout de suite après la célébration dimanche passé. Crackpot. Parce que, pour moi, un crackpot, c'est que... Une mijoteuse. OK, c'est bien, je pense que ça va être correct, ça. Okay. Oh, non, pour l'enregistrement, OK. J'ai apporté une mijoteuse parce que, pour moi, je trouve que... Une mijoteuse, ça reflète bien ce que la communauté est. Quand tu rentres chez vous le soir après une dure journée, puis tu sens l'arôme de ce que mijoté toute la journée, c'est toutes des choses différentes, hein? C'est chaque chose que tu mets dans le croque-pot a sa saveur, son odeur particulière, mais ça cuit ensemble doucement, longtemps, puis ça vient que ça a une bonne odeur. Pour moi, une communauté, c'est quelque chose qui a une bonne odeur, qui sent bon, qui est invitant, qui nourrit aussi, qui rassure, qui réconforte. C'est que on est comme ensemble là-dedans, là, tu sais. Là, j'essayais de faire des métaphores, là, je suis toujours... On mijote ensemble. Oui, on mijote ensemble, puis à un moment donné, on vient qu'à force d'être ensemble, on développe une... On a chacun nos odeurs, mais on devient comme collectivement, on a une odeur qui est collective. On a... Notre propre couleur, notre propre parfum communautaire ensemble. Puis je trouvais que c'était une belle image, puis que la communauté, c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant, chaud, bon, puis qui donne le goût, tu sais, qui donne le goût de venir. Tu as le goût de rentrer quelque part où ça sent bon, puis qu'il y a quelque chose qui est mijoté, pour les gens qui ont faim autour. Merci, Manon. Ben, j'ai trouvé, tant que Manon m'a donné cette la célébration, elle me disait son idée qui lui était venue. Alors, je trouvais que c'était tellement brillant, c'est comme, ouais, c'est vrai, une communauté, on mijote ensemble, puis ça... Alors, quelqu'un d'autre? Qui d'autre? Maryse, viens nous dire ça. Attends, un cadeau à part de ça. Mon cadeau, il est emballé dans un cadeau. Ben, tu as bien fait. Là, mon cadeau, c'est une horloge. C'est pour symboliser le temps. Pour dire que, pour moi, cette communauté ici, comme d'autres ailleurs, j'imagine, mais pour nous, il y a eu énormément de cadeaux de temps. On a été environnés de gens qui nous ont offert du temps. Qui nous ont bénis en nous offrant du temps. Puis je dirais pas qui, je dirais pas quand, mais bon, il suffit d'avoir pas mal d'enfants pour apprécier ce genre de don. Puis je me disais que donner du temps, ben nous aussi on l'a fait, je veux dire on le fait tous les uns pour les autres, et que donner du temps, donner de son temps, c'est comme donner un peu de sa vie. Je pense que la communauté, c'est aussi ça. C'est les uns les autres se donnent les uns aux autres. Merci, Maryse. Merci. Qui d'autre? Lynn. Elle aussi nous a apporté un objet. Oh! Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. C'est un couteau. Mais bizarrement, pourquoi le couteau? C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit quand Jacques, j'ai lu le courriel à Jacques cette semaine. Vous allez voir pourquoi. Je fais beaucoup la cuisine. J'aime beaucoup faire la cuisine. Un couteau, c'est très utile pour couper tout ce qui va dans une mijoteuse, pour préparer des plats, pour rendre service. C'est plutôt rare. Des fois, on reçoit des couteaux en cadeau. Ceux-là, je les ai reçus en cadeau il y a plusieurs années. Mais en même temps, puis j'ai beaucoup aimé l'image. Puis ça avait rapport avec l'amitié, mais ça a rapport beaucoup avec la communauté. Il faut être très vigilant et très prudent parce que quand on est très affilé, on peut être énormément blessé. Donc, la communauté, oui, ça apporte beaucoup, mais ça a le côté aussi des blessures. Donc, ça, pour moi, c'est un point de dire de faire attention, d'être attentif, d'être vigilant dans nos relations. Donc, c'est ça. All right. Ben, c'est très bon, Lynn. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre qui a pensé? Michel? Moi, j'aime le cinéma, fait que... fait que... Pour moi, c'est comme le Seigneur des Anneaux, la communauté. Hein? Ça commence avec la communauté de l'anneau, ou la communauté de l'agneau, si vous voulez. C'est une communauté qui se crée de manière impromptue et non organisée. Hein? C'est des gens qui se rassemblent sans savoir qu'ils devaient créer une communauté à un moment donné. Donc ça, c'est la communauté de la hein? Donc, ça commence comme ça. Par la suite, à l'intérieur de cette communauté-là, il y a une division. Une division aussi qui n'est pas forcément désirée, mais on se retrouve avec deux groupes qui combattent le même ennemi, si on peut dire. Et puis, à l'intérieur de ça, ben, on se retrouve avec la création qui vient aider la communauté à pouvoir combattre ensemble. Puis à la fin, ben, c'est le retour de cette communauté-là en un, mais le rassemblement de toutes les autres communautés aussi qui viennent combattre cette même ennemi et qui vient créer là, cette unité encore plus forte à l'intérieur. Donc, pour moi, le Seigneur des Anneaux est un des meilleurs exemples de... Qu'est-ce que c'est que la communauté? Et à l'intérieur du Seigneur des Anneaux, il y a un exemple extraordinaire d'amitié entre Sam et Frodon. Donc, où Sam prend sur lui son ami. Donc, c'est ça pour moi, la communauté. Merci, Michel. Qui d'autre avait levé la main, là? Daniel? Oui, mets ta diapo. Donc, moi, ça me faisait penser à un... c'était pas tout à fait ça que j'avais compris, mais ça s'applique quand même, un panier de fruits qu'on peut donner en cadeau. Donc, le panier de fruits, les fruits sont variés. Ce sont tous des fruits. Donc, ici, il y a tout Jésus qui nous unit. Mais on est variés. On est différents. On est nourrissants. On est bon pour la santé. On est rafraîchissant. Mais j'avais aussi écrit à la toute fin qu'on peut faire attention, par exemple, parce qu'on peut pourrir aussi. Si on fait, c'est ça, il faut faire attention parce qu'on peut venir à penser comme certains chrétiens fondamentalistes qu'il faut prier contre Obama, puis fait qu'il faut faire attention. Alors, c'était ça. Merci, Daniel. C'était aussi une très bonne idée, le panier de fruits. Là. C'est tellement agréable, hein, quand tu vas, je sais pas, dans un buffet, puis tu vois les paniers de fruits, là, c'est, hein, ça donne appétit. Ça nous met en appétit. Philippe. Pour moi, la communauté, c'est ça fait sortir de l'isolement, car moi, je pense ça comme étant quelque chose qui peut-être aider quelqu'un qui a un peu de misère à communiquer, comme moi, c'est un peu comme ça, je suis un peu de misère à communiquer. Et puis, ça évoque des petits souvenirs, parce que j'ai vécu en communauté, dans les communautés de centres chrétiens. Et puis, c'est, C'est ça. J'ai pas pensé à un objet particulier, mais pour moi, c'est ce que ça fait faire ressortir. Merci, Philippe. Donc, sortir de l'isolement, tu aurais pu amener une photo des communautés que nous avions à Rosemère. Quelqu'un d'autre? Qui d'autre a levé la main? Joanne, tu avais levé la main, hein? Viens. Tu avais Jules, si tu avais levé la main. Moi, je l'avais de mémoire, fait que j'ai peut-être un petit peu déformé. Puis j'essayais, je pensais à la communauté, c'était comme quelque chose qui symbolise, là. Je ne pensais pas à un cadeau, mais ça va revenir un cadeau. Puis je me disais, j'allais voir pourquoi, là, que j'ai dit ça en premier, là, ça va faire drôle. Puis je disais, la prière. Mais j'ai dit non, il y a plein de communautés qui prient et qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Je sais pas ça. Puis je disais, le Saint-Esprit. Donc, moi, ça, l'image, ça serait l'huile dont on a parlé tantôt. Parce que je me disais, c'est le Saint-Esprit qui fait que, tu sais, cette huile qui adoucit, qui change tout le sens d'une communauté. Je vous raconte une anecdote cette semaine. Je n'ai pas pris mon cours de folklore cette année et je m'en repens. Et puis, j'ai écrit au prof parce que je sentais le besoin d'y aller. Puis, il m'écrit, parce que comme j'ai tout manqué les cours, j'ai dit peut-être que ça ne marchera pas. Il dit, tu es toujours la bienvenue. C'est une communauté, un groupe non chrétien. Mais je le savais que j'étais bienvenue. Mais le fait qu'il me l'écrive, ça m'a fait un grand bien. Fait que même si c'est pas ça, c'était pas une communauté chrétienne, mais le Seigneur s'en sert pour me bénir. Mais pour un chrétien, c'est pas suffisant une communauté comme ça, hein, évidemment. Puis quand le Saint-Esprit est là, il fait des choses qui nous dépassent, qui nous étonnent. Puis le Seigneur peut dire chacun de nous, puis pour apporter toutes sortes de choses, puis je veux dire, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, puis ça nous utilise quand même. Mais plus on sait se guider par le Seigneur, plus ça nous utilise les uns des autres pour se bénir d'une façon inattendue. En tout cas, c'est ça que j'ai réussi à exprimer. Ben merci, Joanne. Tido, Michael, all right, lui vient avec un objet aussi. L'objet hein, nous donne, c'est une illustration. On peut dire merci aussi à Daniel pour l'objet. Le Canadien représente bien une forme de communauté. Ouais. C'est une équipe qui travaille ensemble pour un but. Nous autres, notre but, c'est apporter de l'espoir aux gens. Donc, voilà, pour moi, je voyais la Coupe Stanley un peu comme ça, comme le but ultime, l'espoir qu'on peut apporter. Puis nous autres, on travaille fort, faut aller dans les coins. Ouais, bon, ils ne font pas tout le temps, mais nous autres, on n'est pas pire pour ça ici. Donc, voilà, pour moi, la communauté, c'est comme le Canadien. Merci, Michael. Alors, pour ceux qui vont entendre sur le MP3, ben, c'était une photo, hein? Un magazine du Canadien de Montréal. Quelqu'un d'autre? Nicole, viens. Une image de la communauté. Pour moi, la communauté, c'est une famille. La famille, oui. Oui. Pourquoi? Parce que je parle d'une famille biologique. Tous les membres ont les mêmes gènes. Tous les membres ont les mêmes gènes. Ça veut dire on vient de même endroit. Quand je dis on vient de même endroit biologiquement, et on a des liens biologiques qui nous unissent, mais au niveau de comportement, tempérament, nous sommes tous différents, même si on est de même mère et de même père. Ça, c'est un. Autre chose, c'est que dans une famille, on a des chicanes, on a des beaux moments qu'on passe ensemble. On a aussi des moments moyens. Ça, c'est une communauté aussi. On vit tout ça dans une famille. Mais ce qui est l'essentiel, c'est que on peut s'éparpiller partout. On peut ne pas être en commun ensemble dans la famille, mais spirituellement, au niveau sentiment, on est encore unis. Pour moi, la communauté représente ça aussi. Et l'autre chose, c'est que dans une famille, malgré, on voit, il y a des chicanes, Il y a des choses qui ne marchent pas, mais une famille reste une famille. Un père ou une mère, un fils ou un cousin, il reste quand même. Jamais, jamais. On n'aime pas maman, on n'aime pas papa parce qu'il s'est passé quelque chose, mais au fond de nous, on a le pressentiment, on a le sentiment que c'est notre maman, c'est notre papa. Pour moi, c'est ça, la communauté. La communauté ici, pour moi aussi, l'église, c'est ça. C'est vrai, c'est pas tout le temps, ça va tout le temps bien. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Dans une famille, personne n'est parfait. Il n'y a aucun père parfait, aucune mère parfaite. Mais nous sommes une famille. On a des choses ensemble que Dieu nous a unis comme ça. Jamais nous allons nous séparer vraiment. Même si dans notre tête, on pense que je laisse cette communauté parce que ça ne va pas. Puis on pense qu'on a réglé le problème, ce n'est pas vrai. On ne l'a pas réglé parce qu'on a un lien, il y a quelque chose qui nous lie ensemble, qui fait qu'on a tout le temps le sentiment que si je reviens, probablement, ça pourrait... Je vais trouver quelque chose, un réconfort. Pour moi, c'est ça ma communauté. Merci, Nicole. La famille, très belle image aussi, hein, la famille. Quelqu'un d'autre, tu voulais partager l'image qui vous vient à l'esprit de la communauté? Je vous donne la mienne, mon image. Voyons, vous ne soupçonnez pas, c'est pas mon image. Une bonne bouteille, hein? Ménage à trois. La communauté, c'est un ménage à plusieurs. Ah, ça, c'est une bonne bouteille que j'ai reçue à mon anniversaire de mon ami Olivine, qui m'a remis ça en cadeau. Le vin, hein? Le vin, on parlait des olives. Le vin. La bonne table, mais le vin qui devient meilleur en vieillissant. Lorsqu'on pense au vin, on pense à une dégustation, à un temps fraternel, à un bon temps. J'ai toujours des images, hein, lorsque je reçois chez nous, maintenant je vais, hein, chez d'autres, puis que y a une belle table, y a un bon vin, on déguste, on savoure un bon vin. C'est toujours l'image, là, hein, de la proximité, de la bonne entente, des gens avec qui on est confortable. On aime être là, même autour, hein, autour d'une bonne table, avec une bonne bouteille. Parfois même, c'est propice à dire des choses, hein, ou à partager des choses qu'on ne partagerait pas autrement. N'est-ce pas? Et puis, je regarde Normand, parce qu'on pense à nos soupers, hein, nos soupers qu'on faisait. Et puis, il y avait toujours du vin, justement, parce que ça faisait partie de cette convivialité. Hein? Le vin fait que c'est convivial. Et pour moi, c'est ça, la communauté, la convivialité d'être ensemble, de venir ensemble. Voilà! Mais... tu la boiras pas, je... OK. C'est bon. Ben, écoutez, on a eu des belles images ce matin, hein? Des belles images, chacun, ceux qui ont participé avec des images, hein? Surtout, ils ont dit, ben, la communauté est un cadeau. Un cadeau. Et tout de suite, Manon a pensé mijoteuse. Moi, j'ai pensé une bonne bouteille. Hein? Daniel, panier de fruits. Hein? Famille. Le temps qu'on passe autour de tout ça. Oui, en famille, oui. Avec un couteau. Le couteau, oui, le couteau pour dépecer. Ah oui! Panier tout un bon film, oui. Toutes de belles choses. Ben voilà. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire ensemble, la communauté est un cadeau de Dieu? Oui. Disons-le ensemble. Ma communauté est un cadeau de Dieu. Ma communauté est un cadeau de Dieu. Voilà. Ben, allez, en paix.